Chapitre 2e. Il faisait nuit noire et le train de 9 heures emportait Aimée dans la direction de Langres. Elle avait quitté Marly dans la journée en compagnie de Maître Duménil, qui l'avait installé dans un compartiment de première et lui avait souhaité bon voyage en l'embrassant gravement. Maintenant, elle roulait vers l'inconnu. Tout d'abord, le cœur serré par l'angoisse du départ, elle avait appuyé sa figure contre le capitaine du wagon, ne voulant plus rien voir, pleurant tout bas, et essayant de ne pas penser. Elle était seule dans le compartiment que la lampe éclairait d'une vague lueur vacillante. Au dehors, tout était ténébreux. Le train filait dans la nuit avec une trépidation haletante et saccadée. À des intervalles réguliers, il ralentissait sa marche, les freins se serraient avec un long gémissement, des lumières couraient sur la voie, on criait le nom de la station, un battement précipité de sonneries électriques tintait sous la marquise du quai, puis, avec un coup de sifflet prolongé, le train se renfonçait dans la nuit opaque. À la fin, Aimée, bercée par le roulis du wagon, s'était endormie d'un sommeil pénible, coupé de soubresauts fiévreux. Quand elle s'éveilla, le jour commençant jetait une blancheur grise dans le vide du compartiment. Elle tira sa montre, 6 heures. On devait approcher. Elle essuya du bout des doigts la glace ternie et regarda au dehors. Le train fuyait le long d'une rivière jaunâtre, parmi des prés bordés de collines boisées. De temps en temps, un village au toit recouvert de pierres plates s'envolait comme emporté dans un tourbillon. Il y eut un long sifflement, puis un ralentissement. « Langres !» cria le conducteur du train, en courant tout en mitouflé le long des voitures. C'était là qu'il fallait descendre. Tandis qu'elle attendait ses bagages, elle regardait curieusement la ville au perché sur une colline aride, profilant sur un ciel gris ses remparts bordés d'arbres, ses couvents et son hôpital. Il faisait froid. Elle se glissa toute grelottante dans l'omnibus qui se mit à gravir lourdement l'âpre montée. Alors elle prit dans sa poche la lettre adressée au notaire par l'aînée de ses tantes, Mademoiselle Mélanie Chenu, et se mit à la relire anxieusement. « Monsieur le notaire, écrivait la vieille fille, nous avons reçu, non sans surprise, votre honoré du 18. Quoique nos relations avec feu notre malheureuse sœur aient cessé bien avant sa mort, nous ne ferions conscience de laisser sa fille dans l'abandon. Nous avons, envers Dieu et envers nous-mêmes, le devoir de sauver cette âme en péril et de la tirer de la voie de perdition. Notre modeste position ne nous permet guère de gros sacrifices, mais la religion nous ordonne de nous charger de notre nièce afin de l'élever en chrétienne. Envoyez-nous-la donc, nous l'attendons. Si elle part de Paris par le train de nuit, elle arrivera à Langres pour prendre le courrier d'Aubrive. Recommandez-lui de se faire conduire au Soleil d'Or, où elle trouvera la voiture qui porte les dépêches. Recevez, monsieur le notaire, les salutations de votre servante. » Il n'y avait pas un mot de tendresse dans cette lettre, et il ne présageait pas un accueil bien chaleureux. Mais Aimée, violemment secouée depuis 12 jours, subissait cette réaction engourdissante qui suit toute tension douloureuse des nerfs, et elle acceptait le présent avec une indifférente résignation. D'ailleurs, sa situation ne lui permettait guère de se montrer difficile, et comme le lui avait insinué le notaire, elle n'avait pas à choisir. Elle indiqua l'adresse du Soleil d'Or au conducteur. L'omnibus, après une longue course cahotante sur l'affreux pavé de Langres, s'arrêta au milieu d'une rue. La malle d'Aimée glissa sur le trottoir. On fit descendre la voyageuse et la lourde machine repartit bruyamment. Le Soleil d'Or était une auberge de rouliers. Debout dans la cuisine, des gens en blouse, en souliers ferrés, le fouet noué autour du cou, fumaient et buvaient la goutte du matin autour d'une table. Aimée demanda quelle heure partait le courrier d'Aubrive. « Le courrier, » répondit une autre servante qui portait des verres. « Il y a belle heurette qu'il est parti. Il démarre à 4 heures, aussitôt après le train-poste. » Le notaire s'était trompé de train. Aimée, ahurie, demanda s'il n'y avait pas une autre voiture. « Pas avant demain. Mais si mademoiselle veut une chambre, on va faire monter ses bagages. » Elle n'osait pas répondre. Le séjour de l'auberge retentissant de jurons, imprégné d'odeurs d'alcool et de fumée de tabac, lui inspirait une répugnance croissante. Elle sentait qu'elle ne pourrait jamais se résoudre à y passer un jour et une nuit. Ne sachant que faire, abasourdie, elle jetait à droite et à gauche des regards inquiets et ses yeux se mouillaient. Un paysan se détacha du groupe des buveurs et s'approchant. « Excusez, mademoiselle, » dit-il en soulevant son feutre roussi, « je retourne à vie du côté d'Aubrive, et si ma charrette ne vous effraie pas, je vous y conduirai volontiers. » Elle l'examina un moment avant de répondre. C'était un grand garçon de 25 ans, robuste, barbu, à la mine ouverte, aux yeux bleus foncés, énergique et doux. Sous le hâle et la poussière de charbon, ses traits honnêtes faisaient plaisir à voir, et ses dents blanches étincelaient dans un sourire. Aimé eut immédiatement confiance et accepta. Le charbonnier vida son verre et alla harnacher ses chevaux. Un quart d'heure après, la charrette était attelée de 3 solides percherons. La caisse était liée au ridel, et Aimé s'asseyait sur une botte de foin jetée en travers des planches noircies. « Vous n'y serez pas comme une princesse, et nous ne courons pas la poste, » dit le charbonnier en riant. « Mais cela vaut mieux encore que de chômer ici jusqu'à demain. »« Dia-oh-u, blond !» Les 3 percherons, attelés à la file, agitèrent les grelots de leurs colliers de peau de mouton teint en bleu et entraînèrent assez lestement la charrette vers la grande route de Dijon. L'équipage était un de ces longs chars primitifs à 4 roues, à haute ridelle à claire-voie, où l'on entasse les sacs de charbon. À chaque tour des roues, un chaos faisait tressauter la jeune fille sur son siège de foin, et le vent du nord, qui souffle presque toujours sur le plateau de Langres, lui piquait les yeux et lui bluissait les joues. Le jeune charbonnier s'était mis discrètement à marcher en tête de ses chevaux qui montaient au pas la route fraîchement empierrée. De temps à autre, il se retournait et contemplait avec une naïve curiosité la voyageuse et les détails de sa toilette. La toque d'astrakhan sous laquelle les cheveux frisottants s'échevelaient à demi déroulés, le plaid à grands carreaux noirs et blancs qu'elle avait drapé sur ses épaules, et dans cet encadrement, la blanche figure, pâlie par la fatigue du voyage et dont les lèvres rouges frémissaient au vent du matin. Aimé, les mains appuyées aux traverses de la charrette, les yeux demi-fermés, regardait d'un air navré la morne étendue du plateau dénudé, les champs pierreux, le ciel gris et les lignes austères de l'horizon. Les sonnailles des chevaux tintaient avec des cadences somnolentes, et le conducteur chantait, pour animer ses bêtes, des lambeaux de chansons rustiques. Sa voix bien timbrée lançait vigoureusement les phrases traînantes et mélancoliques des mélodies campagnardes. Bercé par cette lente musique, et cédant à ce sommeil lourd qui vous prend le matin après une nuit de veille, la jeune fille avait posé son front sur ses mains et s'était assoupie. Quand elle s'éveilla, on était en pleine forêt. La charrette, dont le mouvement s'était accéléré, descendait une rampe rapide bordée de hautes futaies. Tout au fond, des taillis de chênes enchevêtraient leurs branches au feuillage roussi et par-dessus ces premiers plans boisés, l'œil distinguait par échappées des perspectives de forêts mamelonnées et moutonnantes sur lesquelles un pâle soleil courait à travers des éparpillements de brume floconneuse. Aimé s'aperçut que le conducteur, pendant son sommeil, lui avait posé sur les genoux sa grosse limousine jaunâtre, afin qu'elle ne prît pas froid. Elle le cherchait en tête de ses chevaux pour le remercier, quand elle le vit tout à coup au-dessous d'elle, assis, les jambes pendantes, sur une planchette qui se balançait entre les roues. « Où sommes-nous donc ? » demanda-t-elle. « Au rang de la Mancienne, mademoiselle. Nous en avons encore pour une petite heure. Est-ce que vous êtes d'Aubrive ? » ?»« Non, je suis charbonnier de mon état et je retourne à ma vente, près du village. Mais je connais presque tout le monde dans le pays. Chez qui allez-vous, sans vous commander ? Connaissez-vous les demoiselles Chenu ? Les dames de la poste, je crois bien. Est-ce là que vous descendez ? Oui, ce sont mes tantes. « Ah ! » fit le jeune conducteur en la regardant avec une légère nuance d'étonnement. « Et c'est la première fois que vous venez à Aubrive, mademoiselle ?»« Oui. » Elle eut mal l'air imprégné de l'odeur des feuilles tombées. « C'est beau, ce pays-ci. Est-ce le vôtre ?»« Oh, moi » dit-il en riant de son rire étincelant. « Mon pays, c'est la forêt. Partout il y a des bois, nous sommes chez nous autres charbonniers. Nous y naissons, nous y logeons, et bien souvent même, nous y mourons. Quand nous avons exploité un canton de la forêt, nous en allons recommencer la même besogne dans un autre. Et ainsi tout le long de l'année. J'aimerais cette vie-là, s'écria Aimé, prise d'un subit enthousiasme. Cela vous plaît à dire, répliqua le charbonnier avec un sourire incrédule. C'est un rude métier que le nôtre. N'importe, je ne le changerai pas pour un état à la ville, et je sécherai d'ennui entre 4 murs. Il s'interrompit pour interpeller ses chevaux qui avaient tourné dans un chemin de traverse. Il croit, fit-il en riant, que nous rentrons sous bois tout de suite. « Non, les camarades, nous allons un peu plus loin. Oh, dia !» Il courut en avant, fit claquer son fouet et remit ses bêtes sur la route. Une heure après, on aperçut les maisons et la pointe du clocher. Les chevaux avaient pris le trot, et c'est ainsi qu'on entra dans le village. Arrivé à une petite place, près de l'église, le charbonnier s'arrêta devant une maison proprette blanchie à la chaux. Il délia la caisse qu'il déposa devant la porte, à côté de laquelle une sorte de soupirail pratiqué dans le mur était surmonté de l'inscription réglementaire « boîte aux lettres ». Puis il aida la jeune fille à descendre et poussa la porte, qui s'ouvrit toute grande en mettant en mouvement une sonnette au timbre grêle. « Entrez !» cria du fond d'une pièce voisine une voix claire et flûtée. Aimé obéit et se glissa dans une cuisine ornée de sa batterie de cuivre reluisant. Au feu de la cheminée, un rôti cuisait dans la coquelle de fonte avec un grésillement de graisse bouillante. Devant l'âtre, sur une chaise basse, une femme à la taille épaisse et aux larges hanches activait le brasier. Elle était tête nue, coiffée à la chinoise, et ses cheveux châtains clairs étaient semés d'une quantité de petites papillotes de papier brun. Elle se retourna vivement. Aimé vit deux yeux ronds, deux joues pareilles à des pommes rouges, un gros nez arrondi et luisant du bout, et une petite bouche qui, en s'ouvrant, prenait la forme d'un eau. « Voici une voyageuse pour vous, mademoiselle Victoire, » dit le charbonnier. « Gars !» s'écria la dame en écarquillant ses yeux et en écartant ses bras courts. « C'est vous, mamie ? Nous ne vous attendions plus aujourd'hui. Vous avez donc manqué le courrier ?» Elle s'avançait tout en la dévisageant, et elle finit par la baiser bruyamment sur les joues, tandis qu'Aimé, encore ébahi, lui expliquait les incidents du voyage. Le charbonnier avait apporté la malle. La jeune fille se tourna vivement vers lui et ouvrit son porte-monnaie. « Non, non, mademoiselle !» protesta le garçon en rougissant. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait de bon cœur, et vous ne me devez qu'un grand merci. » Aimé eût souhaité que sa tante se montrât plus hospitalière. Mais celle-ci ne paraissant nullement se soucier du charbonnier, la jeune fille s'approcha de son conducteur et lui demanda avec vivacité comment il s'appelait. « Justin, le grand Justin, charbonnier au bois des fosses, » répondit-il de sa voix mordante. « Merci, monsieur Justin. Voulez-vous me donner une poignée de main ?»« Bien volontiers. » Elle mit sa main blanche dans la main noire du garçon, à la grande stupéfaction de sa tante, qui assistait à cette scène d'un air scandalisé. Il s'éloigna en saluant et en jetant un dernier regard sur Aimé qui avait enlevé sa toque et dont les cheveux dénoués retombaient librement sur ses épaules. « Mon autre tante va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant du feu car elle grelottait. « Oui, elle est au bureau, et vous allez la voir. Mélanie ! Mélanie !» Mademoiselle Mélanie arriva sans bruit grâce à ses pantoufles à semelles de feutre, et en se retournant, Aimé l'aperçut tout à coup derrière elle, raide et anguleuse dans sa robe de mérinos noir, au corsage plat comme celui d'une vierge de l'école primitive, avec une jupe tombant à plis droits le long de ses hanches maigres. Son bonnet noir orné d'un chou de velours gros bleu avançait dévotement jusqu'au milieu du front, ne laissant voir qu'un soupçon de cheveux déjà grisonnant. Il serrait ses tempes creuses et accompagnait sévèrement un long visage au teint bisse, aux yeux baissés, au nez mince et pincé. Avant d'embrasser sa nièce, elle l'attira au jour près de la fenêtre, examina lentement ses cheveux, sa figure, son corps jeune et souple, moulé dans une robe de cachemire noir taillée à la dernière mode, puis elle fit la grimace. « Seigneur » s'exclama-t-elle en lançant un regard aigu vers sa sœur cadette. « Comme elle ressemble au fille Noël. Elle tient d'eux et n'a rien d'échenu. Enfin, enfin, embrassez-moi ma nièce. Quels cheveux désordonnés vous avez. Il faudra voir à vous coiffer d'une manière plus décente.